1-1. Écoute ça. Je représente pour tout ce qui me donne ça. C'est pour ma ville que je chante ma street life. C'est pour Nigra que je prends le mic. Je représente mes boules et la mifa. Je représente pour tout ce qui me donne ça. C'est pour ma ville que je chante ma street life. C'est pour Nigra que je prends le mic. Je représente mes boules et la mifa. Moi je représente sans exception Nigra City, ma direction. Moi je rappe dans le game comme mon cœur est plein de haine. Je représente Grigny, et ça pour la vie. Je ne me cache pas, je rappe, écoute ça. Mon rap crie sur les toits comme une face de mec des droites. Peu importe l'avenir, 2012, fin du monde, je la vois venir. Je l'attends le pied ferme, jamais je ne la ferme. Je ne suis pas un infirme, car dans le rap je m'affirme. Rien ne me tuera, sachez que mon rap survivra. Je représente pour tout ce qui me donne ça. C'est pour ma ville que je chante ma street life. C'est pour Nigra que je prends le mic. Je représente mes boules et la mifa. Je représente pour tout ce qui me donne ça. C'est pour ma ville que je chante ma street life. C'est pour Nigra que je prends le mic. Je représente mes boules et la mifa. Que je représente Grigny Hood. On vit ensemble, les grands et les petits. Rejoignez nos équipes. Rien nous arrêtera, on est comme une tornade. On détruit tout sur notre passage, mais on laisse aucune trace. On a tous dans le cœur une partie de tendresse, mais on la montre jamais, car notre fierté en a peur. Nos mains sont pleines de sang, c'est dû aux conneries qu'on fait. La famille nous regrette et ceux qui pleurent le plus sont nos parents. Nous ne sommes pas uniques, mais nous sommes tous unis. Ici c'est Grigny, c'est la banlieue sud de Paris. Je représente pour tout ce qui me donne ça. C'est pour ma ville que je chante ma street life. C'est pour Nigra que je prends le mic. Je représente mes boules et la mifa. Je représente pour tout ce qui me donne ça. C'est pour ma ville que je chante ma street life. C'est pour Nigra que je prends le mic. Je représente mes boules et la mifa. C'est ce soir que je représente ma ville. Le rap c'est toute ma vie. Donc je ferai tout pour réussir. Je me défoncerai jusqu'à en mourir. On a tous des rêves, faisons en sorte qu'ils se réalisent. Écoutons nos cœurs et faisons une trêve. Réconcilions-nous avec la joie de vivre. Quoi qu'il arrive, je serai toujours d'ici, loin ou près. Dans ma tête, je suis à Grigny. Dans le sale, peut-être, mais la vie a lieu d'être. Les frères, les sœurs, ouvrez tous vos cœurs pour sortir de nos taudis. Faudrait qu'on soit riche, mais ce n'est pas à Grigny qu'on peut le devenir. Notre ville est endettée, car l'État ne fait que nous emmerder. Il nous fait construire des bâtiments, mais pour ça, nos impôts augmentent. Je représente pour tout ce qui me donne ça. C'est pour ma ville que je chante ma street life. C'est pour Nigra que je prends le mic. Je représente mes boules et la mifa. Je représente pour tout.